Je vis plutôt que sur moi le manteau des ans ne tombe pas, que je ne vieillis pas. Que n'ai-je remarqué que mes neiges d'antan ont échappé au temps qui ne m'a pas marqué. Ma jeunesse, jeunesse, je n'espérais pas tant retrouver ma jeunesse, retrouver mes 20 ans. Sur ma tête, tous les flocons du temps, ma parole si je mens, je ne change pas de tête. Je suis de Dorian Gray, tout à fait le portrait, et mes crayons n'ont pas la couleur de la craie. Ah jeunesse, jeunesse, je n'espérais pas tant retrouver ma jeunesse, retrouver mes 20 ans. Personnage et la fleur de mon âge, qui est un personnage, du poids des emmalèges. Danjur, Casanova n'ont pas eu cette chance-là, et Narcisse en rêve. Aujourd'hui me voilà. Jeunesse, jeunesse, je n'espérais pas tant retrouver ma jeunesse, retrouver mes 20 ans. Fondu comme un bonhomme de neige sous la jupe fendue de la douce neige. Pour partir et s'aimer sous d'autres oripeaux, que neige et s'aimer des flocons sur sa peau. Ma jeunesse, jeunesse, je n'espérais pas tant retrouver ma jeunesse, retrouver mes 20 ans. Je vis avant que je n'ai jamais eu que 20 ans tout au plus sous mes cheveux d'argent. Que n'ai-je profité de ce don de jouvence pour draguer tout l'été jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. Ah jeunesse, jeunesse, je n'espérais pas tant retrouver ma jeunesse, retrouver mes 20 ans.